Si on parle beaucoup de biodiversité et de son effondrement depuis le rapport d'experts internationaux publié lundi, il y a une autre biodiversité qui est généralement oubliée ou en dehors des radars, c'est celle des micro-organismes. Et pourtant, les virus, à eux seuls, représenteraient la majeure partie de la biomasse des océans, par exemple. On en trouve dans des endroits aux conditions extrêmes de chaleur et de pression. Et c'est pour mieux connaître ces écosystèmes et la diversité des virus qui s'y trouvent qu'a été lancé en 2015 le programme Virus X, un programme européen qui a pour ambition, grâce à la métagénomique, d'identifier et de cartographier la diversité de ces virus inconnus d'écosystèmes extrêmes. Virus X, séquencez-les tous, c'est le programme biotechnologique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, pour évoquer ce programme Virus X, mais plus généralement, les nouvelles technologies de séquençage, la métagénomique et la connaissance globale qu'elles nous apportent sur les populations de virus, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui François Hainaut. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences et chercheur au laboratoire micro-organismes, génome et environnement à l'université de Clermont-Auvergne. Vous êtes impliqué dans le projet Virus X dont vous nous parlerez tout à l'heure. Et Marie-Agnès Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche INRA dans l'unité Michaelis. Vous occupez notamment de diriger des recherches autour des bactériophages. Vous nous en parlerez également. Vous pouvez suivre, comme tous les jours, cette émission en direct sur les ondes de France Culture. Vous qui êtes le 8 mai peut-être en train de ne pas travailler, contrairement à nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout cas sinon les rattraper via franceculture.fr ou sur votre application de podcast ou l'application de podcast de Radio France. Et comme toujours, en complément, via notre fil Twitter, @laméthodefc, où nous allons poster tout au long de cette heure un certain nombre de références, d'études, de schémas qui vous aideront peut-être mieux à comprendre comment se déroulent ces processus autour de l'activité virale. Pour commencer, si le mot virus apparaît finalement assez tôt dans la littérature médicale, au sens d'agent infectieux générique, la compréhension de ce qu'est précisément un virus est-elle assez récente, voire très récente, même au vu de l'histoire de la médecine? La preuve en est cette archive que nous avons retrouvée de la radiodiffusion française qui date de 1952. Écoutez. Avec les virus, nous abordons une classe de germes infectieux toutes différentes de celles des microbes ou bactéries dont il a été question jusqu'ici. Les virus filtrables, encore appelés ultravirus ou tout simplement virus, se distinguent en effet des bactéries par une série de caractères de prime abord très tranchés. Ils sont invisibles et échappent aux moyens d'investigation ordinaires représentés par le microscope. Ils traversent les parois des filtres qui retiennent les bactéries, ils sont souvent très résistants aux antiseptiques et parfois défient les moyens de destruction habituels, la chaleur exceptée. Ils sont incultivables sur les milieux bactériologiques courants, et les techniques usuelles de microbiologie, si précieuses pour l'étude des bactéries, ne sont avec eux d'aucun secours. Enfin, ils sont les agents de maladies souvent très graves. Si nous arrivons souvent à prévenir ces dernières par des méthodes appropriées de prophylaxie ou de vaccination, nous sommes en règle générale démunis contre elles de médications efficaces. Les antibiotiques et les sulfamides en particulier sont sans action sur la plupart des virus. Voilà, extrait donc de l'heure de la culture française en avril 1952 sur la RDF, une réaction à cette définition qui date aujourd'hui et qui ressemble presque sortie d'un autre temps de la microbiologie. Marie-Agnès Petit. Je suis étonnée de voir que c'est une définition qu'on pourrait encore garder aujourd'hui, ma foi, évidemment. Il nous manque tout l'aspect plus génétique. Mais l'aspect morphologique ou bien le fait que ça ne soit pas visible au microscope, c'est exactement ça qu'il faut commencer par dire. C'est vraiment tout petit, un virus. Il y a des exceptions, évidemment. Mais c'est déjà pas mal comme un premier... Ça veut dire, vous partagez ce point de vue, François Hainaut, ça veut dire que finalement, là-dessus, il n'y a rien d'inexact. On est à peu près... Oui, à ceci près, pour la taille, c'est vrai que maintenant, il y en a qui sont observables directement en microscope optique. Mais qui sont des exceptions. Qui sont des exceptions. De quoi parle-t-on quand on parle de virus? Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça se situe? Qui veut se lancer dans un tentative de suivi? François Hainaut. Moi, je dirais que c'est une molécule, c'est une information génétique qui est encapsidée, c'est-à-dire qui est mise dans une coque, qui fabrique sa coque et qui arrive à pénétrer un organisme vivant, une cellule, donc une bactérie, une archée ou un eucaryote, et qui au sein de cette cellule donc, arrive à prendre le contrôle du métabolisme de la cellule pour se répliquer, répliquer son génome, donc dupliquer son génome, et fabriquer de nouvelles coques, et ensuite s'échappe de la... Et se multiplier. Donc se multiplier pour essayer de, après d'aller infecter de nouveaux organismes. Marie-Agnès Petit, donc parasitisme obligatoire, voilà. C'est le point commun à tous les virus, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur configuration. C'est vraiment ça le point important, c'est qu'un virus ne peut pas vivre par lui-même. Il a besoin, comme disait François, d'infecter un autre être vivant pour lui-même vivre, on va dire. Et alors vous utilisez vivre, c'est une notion qui a été contestée assez récemment. Est-ce que un virus est un organisme vivant jusqu'à présent ou jusqu'à preuve du contraire, il est plutôt classé en dehors du vivant parce qu'il n'a pas d'autonomie et que s'il se retrouve seul, il finit par décéder. Il ne peut pas entretenir son propre cycle de vie. Mais ça commence à être discuté. Oui, c'est presque une question philosophique. C'est pour ça que c'est intéressant. L'autonomie, par exemple, est-ce qu'il y a un être vivant qui est complètement autonome? Vous en connaissez, vous? Quand vous êtes né, vous n'étiez pas très autonome. Hein. Donc, même aujourd'hui, je vous assure que ça n'a pas beaucoup changé. Voilà. Donc l'autonomie, oui, c'est important, mais il y a des limites à l'autonomie. Donc un virus, c'est une forme extrême. Pour moi, c'est une forme extrême de vie, quand même. Votre point de vue sur ce débat philosophique, François Hainaut? C'est qu'il y a deux stades. Le stade où il est effectivement, il y a juste la molécule, l'information génétique, la molécule d'ADN ou ARN qui est dans la coque, où là on a une particule qui flotte, par exemple, si c'est dans l'océan, et puis qui est totalement inerte. Donc là on peut dire que c'est pas vivant. Et puis effectivement, une fois qu'elle arrive à rentrer dans son hôte, elle prend le contrôle réellement du métabolisme de son hôte, et elle fabrique des choses, donc là... Il y a quelque chose qui s'apparente à de la vie, quoi. Donc ça dépend où on regarde, et c'est vrai qu'initialement, je pense, le stade visible, c'est le stade de la particule libre. Du virion, donc. Du virion. Donc du coup, on aurait plutôt tendance, quand on voit cette particule, à parler de non-vivant et d'inerte. D'autant que, aujourd'hui, on sait, on a découvert il y a d'ailleurs assez peu de temps, ce qu'on appelle des virus géants, des mégavirus, qui ont cette particularité qu'ils sont restés inactifs pendant de très très très très très longues années et qu'ils peuvent se réveiller. Donc ce stade d'inertie, enfin tout ça encore une fois, brouille un peu les frontières absolument, du vivant et du non-vivant, Marie-Agnès Petit. Oui, c'est étonnant, cette forme de vie qui peut... persister dans l'environnement très longtemps et puis tout à coup qu'on arrive à remettre en culture et refaire partir, quoi. Oui, c'est vraiment, en fait, c'est ça qui est intéressant avec les virus, je pense, c'est qu'on aperçoit la vie sous des formes tout à fait inenvisagées avant. Enfin, on découvre des nouveaux fronts de la matière vivante, on peut dire. Ce qui pose d'autres questions intéressantes, est-ce qu'aujourd'hui, justement, alors vous le disiez tout à l'heure l'un et l'autre, hein, les virus parasitent chacun en général des autres particuliers, caryotes, archées, bactéries, parfois même des virus eux-mêmes, il y a des virus de virus. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a permis d'atteindre une forme de classification, de phylogénie du virus, ou est-ce que c'est encore compliqué, François Hainaut? Alors c'est encore compliqué, alors déjà parce qu'on connaît pas tous les virus, et puis parce que tous les virus n'ont pas une origine commune, y a pas un gène qui est partagé par tous les virus, par exemple il y a des gènes ribosomaux qui sont partagés par toutes les bactéries, donc on peut réussir à retracer l'histoire évolutive des bactéries. Par contre pour les virus on n'a pas ce gène, donc il va y avoir différentes familles. Parce que les virus n'ont pas de ribosomes déjà, peut-être ? Les virus n'ont pas de ribosomes. Et puis, il y a des origines différentes. Donc, c'est des virus qui n'ont aucun lien de parenté. Donc, on peut les classer au sein des familles, quoi. Marie-Agnès Petit, il y a une autre question qui est intéressante, qui est aussi assez philosophique. Quand on remonte, justement, quand on essaye de dessiner un peu cet arbre phylogénétique, on se demande, et il y a débat aujourd'hui, quant à savoir si, précisément, le virus est à l'origine du vivant, ou est-ce qu'au contraire, le virus est une forme de vivant qui a régressé pour devenir un parasite obligatoire? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des indices sur ces questions-là? Non, je pense que c'est toujours un débat intéressant, fécond. Il y a vraiment ceux qui voient plus les virus comme des entités qui infectent chacun leur petite... Niche écosystémique, vivant, voilà, c'est ça. Et puis, il y a ceux qui voient plutôt les virus comme effectivement des formes très anciennes de vie. Peut-être même qui infectaient des formes vivantes qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Pourquoi pas? Donc, ça nous fait remonter très loin dans le vivant. Je me souviens très bien du jour où, en lisant une publication scientifique, on nous décrivait un virus qui ressemblait en tout point à un T4. Un T4, c'est un virus très connu de colis, sauf qu'il infectait... De Escherichia coli, qui est une bactérie classique. Voilà. Voilà. Sauf que ce virus-là, il infectait des bactéries marines, des cyanobactéries, qui n'ont vraiment rien à voir d'un point de vue phylogénétique avec Escherichia coli. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais donc ça veut dire que ces T4-là, ils remontent vraiment au temps très ancien d'émergence des premières bactéries sur Terre, peut-être. Donc c'est de se dire que c'est des formes vivantes qui ont 4 milliards d'années de vie derrière elles. Donc elles ont certainement beaucoup de choses à nous apprendre sur l'évolution. Et justement, c'est ce que nous essayons d'apprendre aujourd'hui grâce aux nouvelles techniques dont nous allons parler dans un instant. J'aimerais juste, pour conclure un peu cette présentation générique, François Hainaut, Marie Nespetit, que vous nous disiez, alors on peut rentrer si vous le souhaitez dans la mécanique cellulaire, mais tous les virus... ont le même type, ont les mêmes des grandes phases de fonctionnement, ça marche toujours de la même façon, ça infecte toujours de la même façon, ça réplique son matériel génétique toujours de la même façon. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, des grandes distinctions tout de même qu'il faut faire avant d'aller un peu plus loin, qui veut y aller? Marie Nespetit. Oui, moi je pense que c'est important de faire des distinctions. Une distinction que je revendique toujours, c'est quand même de distinguer les virus... En tout cas, maintenant je vais parler plus des virus bactériens, de ceux qu'on appelle des virulents. C'est-à-dire qu'ils ont un seul type de fonctionnement, c'est qu'ils entrent dans la bactérie, ils se multiplient et ils ressortent. Et au passage, ils ont tué la bactérie. Et ils se sont multipliés à de nombreux exemplaires. Donc ceux-là, ils peuvent être intéressants. Si on parle tout à l'heure des applications, c'est que c'est des tueurs. Voilà. Ils vont des tuer phages. Certaines... On en reparlera pour l'antibio-résistance. Voilà. Et puis, on a les autres qui sont des virus bactériens tempérés, comme on les appelle. Et là, ils sont beaucoup plus subtils, ceux-là, parce qu'ils alternent entre une forme de vie qui ressemble au virulent, c'est-à-dire ils rentrent, ils tuent et ils ressortent, et une autre forme de vie où ils s'installent à l'intérieur de la bactérie. Et là, on commence à avoir une espèce de symbiose entre le virus et sa bactérie, et où on pense qu'en fait le virus apporte des fonctions à la bactérie, lui permet d'évoluer. Éventuellement, ça va même vers la domestication du virus par la bactérie, c'est-à-dire qu'à la fin, le virus, le pauvre, il peut plus ressortir. Il a été vraiment adopté par la bactérie, il a apporté des nouveaux gènes qui font que la bactérie devient meilleure dans son environnement. D'accord. Ce qui est assez important, effectivement, cette distinction que vient de faire Marie-Agnès Petit, François Hainaut, parce que le virus a aussi, ou les virus ont aussi, cette nature intrinsèque, ontologique très importante, qui est que ce sont de très importants facteurs d'évolution. Oui, bien sûr, oui. Parce que ils coévoluent avec leur hôte, et à travers cette coévolution qui est a priori assez ancestrale, dans la plupart des cas, en tout cas dans les familles de virus qui infectent les bactéries par exemple, à travers cette longue coévolution, cette longue coexistence, il y a de nombreux partages, donc à la fois des gènes viraux qui sont récupérés par la bactérie et domestiqués et qu'elle utilise pour faire éventuellement d'autres choses, et puis l'inverse est vrai aussi, donc il y a un réel échange. Et ça permet, c'est réellement un facteur d'évolution. On le voit aussi chez les eucaryotes. Ça a été montré. On peut préciser que nous tous, que tous les êtres vivants multicellulaires ont une partie, et pas une partie négligeable, je crois, je parle sous votre contrôle, Marie-Agnès Petit, 8% d'ADN viral dans l'ADN humain. Oui, c'est tout à fait ça. C'est énorme. Oui, c'est énorme. La méthode scientifique, Nicolas Martin. à 16h15 sur France Culture. Nous parlons donc de virus en général et d'un projet qui a attiré notre attention en particulier. Il s'agit du projet VirusX. Nous en parlons avec François Hainaut, hein, qui y participe, mais également avec Marie-Agnès Petit, qui ne participe pas directement au projet VirusX, mais qui est directrice de recherche INRA et virologue. Alors peut-être un mot, François Hainaut, sur ce projet VirusX. On peut préciser que c'est un projet qui s'intègre dans le programme européen de recherche Horizon 2020, dont nous parlions ici il y a peu de temps, qui a été lancé en 2015 par une société de biotechnologie islandaise, mais qui regroupe aujourd'hui une dizaine de pays. Qu'est-ce que c'est VirusX en fait ? Alors VirusX, le point de départ, c'est que les virus dans l'environnement, donc, qui sont majoritairement des virus de microbes, sont très mal connus. On sait qu'il y a un potentiel... Quand vous dites microbes, c'est bactéries ? Non. Alors microbes, c'est bactéries, archées, et aussi des picoeucaryotes, des petits eucaryotes unicellulaires. Donc ces virus sont mal connus. On sait qu'il y a beaucoup de génotypes, donc beaucoup de familles de virus de ce type, donc beaucoup de génomes, familles différentes, et une grande diversité en termes de nombre de gènes. Donc beaucoup de choses nouvelles à trouver. Donc le point de départ, effectivement, c'est une équipe islandaise, une entreprise islandaise de biotechnologie qui veut utiliser, découvrir de nouvelles enzymes pour, par exemple, des enzymes qui vont mieux travailler à haute température. Donc aller les chercher dans des virus hyperthermophiles, donc dans des milieux très chauds, des sources très chaudes typiquement, donc des sources hydrothermales, des geysers, etc. Donc des milieux assez extrêmes pour l'homme, mais où il y a quand même des organismes, typiquement des archées, qui vivent, et donc il y a des virus d'archées. Et donc aller essayer de récupérer ces virus d'archées, de séquencer leur génome, d'essayer d'annoter un peu, de comprendre quels sont les gènes et quelles sont les fonctions de ces virus. Et puis après, toute une étape d'expression de ces gènes, détermination de la structure tridimensionnelle de ces gènes, de leurs fonctions et éventuellement de leur potentiel biotechnologique. On se disait les uns les autres, là, juste avant la prise d'antenne, que la biodiversité virale est moins bien connue que la biodiversité bactérienne. C'est vrai ça, Marie-Agnès Petit, ou pas tout à fait ? Oui, c'est vrai. Ça s'observe, on appelle ça faire des courbes de découverte, de saturation, c'est-à-dire que normalement, plus on échantillonne un environnement, plus on finit par quand même retrouver les mêmes bactéries, par exemple, et donc le nombre de nouveaux gènes finit par plafonner, et on est content, on se dit, ça y est, j'ai décrit mon écosystème. Et quand on fait la même chose avec les virus, eh ben, on constate qu'on plafonne toujours pas. Alors peut-être qu'on plafonnera un jour, j'espère quand même, mais on en est loin et c'est bien pour ça que des projets comme VirusX peuvent voir le jour, c'est qu'on sait qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Est-ce que cette extrême diversité génétique virale, elle est liée à l'extrême diversité du nombre d'items viraux qui existent, de virions, c'est-à-dire la population, ou est-ce qu'elle est aussi liée, on dit beaucoup que les virus ont une particularité, ou peut-être que certains virus ont une particularité, c'est qu'ils mutent extrêmement rapidement, ils ont une forte mutabilité. Donc est-ce que ça participe de ces deux principes, ou est-ce que c'est vraiment juste parce que la population virale est vraiment beaucoup plus grande que celle qu'on imaginait, François Hainaut ? C'est sans doute un petit peu les deux. Effectivement, ils ont des taux de mutation assez élevés, mais c'est pas réellement ce qu'on observe quand on regarde les données, parce que s'il y a un taux de mutation élevé, et que au début c'est un petit peu l'idée qu'on en avait quand on a séquencé, bon, déjà avant de séquencer on se disait c'est juste des parasites qui vont piocher des gènes chez leur hôte, quelque chose d'assez inerte. Après, quand on a séquencé par exemple deux génomes de phages, on s'est aperçu qu'ils avaient très peu de gènes en commun. Alors les phages, ce sont les virus bactériophages qui s'attaquent bactériophages. Pour détruire les bactéries dont parlait Marie-Agnès Petit tout à l'heure. Malgré leur forme très similaire, si on les regarde en microscopie électronique, on voit, donc c'est généralement ils ont une tête icosaédrique, donc c'est un dé à 20 faces, si vous voulez. Donc c'est avec une petite queue généralement. Donc, et des petites pattes qui s'accrochent à la surface. Éventuellement. On va vous trouver une des photos justement de ces virus. C'est vrai que c'est un peu la représentation iconique aujourd'hui quand on cherche à représenter un virus. On voit cette espèce de petit dé à 20 faces avec un tube et des pattes qui s'accrochent pour injecter le matériel génétique à l'intérieur de la cellule hôte. C'est ça. Et effectivement, quand on en a séquencé deux, on s'aperçoit qu'ils ont très peu de gènes en commun. Donc ça aurait pu laisser penser que ce taux de mutation élevé faisait qu'il y avait un petit peu n'importe quoi, ça pouvait accepter un petit peu n'importe quoi. Et maintenant, plus on séquence, plus on arrive à trouver des choses qui sont similaires. Par exemple, dans l'acrose, un lac hyper salé au Sénégal, on a trouvé des génomes de virus, des génomes de virus de bactéries, très similaires, vraiment très similaires à des virus qu'on avait trouvés à l'autre bout de la planète. Donc ça veut dire que c'est pas n'importe quoi, c'est plutôt même très optimisé, tous les gènes sont fonctionnels, et du coup, il y a réellement une grande diversité. Mmh. Tous les gènes sont fonctionnels, c'est aussi peut-être important de préciser ça, parce que on l'a dit, les virus, la plupart des virus, on laisse de côté les virus géants, mais la plupart des virus sont extrêmement petits à l'échelle nanométrique, donc sur un rapport de 1 à 100, voire 1 à 1000 par rapport aux cellules, je parle toujours sous votre contrôle, on ne peut pas dire de bêtises. Et le matériel génétique des virus, en général, est très très petit, il y a une dizaine, une vingtaine de gènes dans un virus. Donc du coup, ils sont obligés de pas perdre de place. Par exemple, typiquement des petits virus comme les microviridés qui ont une capside de 30 à 40 nanomètres de diamètre. Donc ils ont peu de place pour empaqueter leur génome. Et leur génome, ils font même ce qu'on appelle de l'overprinting. Donc il y a quelques gènes et il y a des gènes qui sont codés au sein d'autres gènes. Entre les gènes, c'est-à-dire que ça se tue dans quelque sorte. Ça se chevauche. Oui, ça se chevauche. Donc, c'est vraiment. Ils utilisent toutes les possibilités pour. Donc, ils optimisent le manque de place qu'ils ont pour. Sur leur génome. Oui. Et alors concrètement, pour rester quelques instants dans ce projet Virus X, donc vous allez faire du séquençage dans ces milieux extrêmes, des lacs extrêmement salés, des geysers extrêmement chauds, enfin des environnements qu'on appelle des écosystèmes extrêmes. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que là-dedans on récupère des virus? Comment est-ce qu'on les identifie? Alors on va prélever. Généralement, en tout cas dans ces écosystèmes-là, de l'eau. Et puis, on filtre l'eau. Donc, on met une passoire avec des trous de 0,2 micromètres. Donc déjà, on exclut, donc pour exclure tout ce qui est tous les organismes cellulaires, ça veut dire aussi qu'on exclut les virus géants. Donc 0,2 micromètres. Donc on récupère tous les virus petits à moyens qui sont les plus abondants dans ce type d'écosystème. Et une fois qu'on a fait ce filtrage, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a fait ce filtrage, donc on a toutes ces particules, tous ces génomes qui sont dans des coques, dans des capsides. Donc on vient casser ces coques, avec généralement un système juste en les chauffant et en les refroidissant. Et puis, donc on récupère les génomes et on séquence les génomes. Alors c'est pas tout à fait aussi simple que ça, parce qu'on n'arrive pas à séquencer les génomes de manière... En entier, on arrive à séquencer que des petits fragments. Et du coup, après, nous, niveau bioinformatique, on essaye de mettre ces petites séquences bout à bout pour reconstruire les génomes de l'ensemble, entre guillemets, des virus qu'on avait dans notre échantillon de départ. Alors ça, ce que vous venez de décrire, c'est ce qu'on appelle la métagénomique. On en a déjà parlé ici. C'est effectivement prélever un extrait d'un milieu et analyser tout l'ADN, ou en tout cas l'ADN qu'on recherche, là en l'occurrence l'ADN viral, puisque on enlève l'ADN bactérien ou l'ADN de cellulaire. Mais la question un peu de béotien qui se pose, c'est que puisque ce sont des gènes, comme vous l'avez dit, qu'on ne connaît pas, comment est-ce qu'on identifie en métagénomique des gènes qu'on ne connaît pas? Comment on les identifie d'une, et deux, comment est-ce qu'on comprend leur fonction? Marine Espetit. Alors, identifier les gènes, ça, c'est quand même pas trop difficile aujourd'hui, parce qu'il y a les règles de la génétique qui veulent que l'ADN, comme vous savez certainement si vous écoutez cette émission, est composé de 4 nucléotides. A, C, T, G, et un gène, par exemple, très souvent, ça commence par ATG. Bon, pas toujours chez les virus, mais quand même le plus souvent. Donc on va lire toutes ces bases, toutes et ces puis on va ouais. appeler les gènes, ça s'appelle, enfin repérer les endroits où ils démarrent et où ils terminent. Et donc on est capable de dire, là, il y a un gène. Une fois qu'on a le gène, on peut déduire la séquence de la protéine, avec ses 20 acides aminés différents. Et une fois qu'on a la protéine, c'est là que tout commence, c'est à quoi elle sert. François Hénaud. Donc effectivement, oui, c'est assez simple de trouver où sont les gènes, entre guillemets, aussi parce que tout est codant. Oui, parce que tout est codant dans le virus. L'ensemble du génome est codant, ce qui n'est pas le cas dans le génome humain, où il y a, je crois, 3% du génome qui code pour des gènes qui codent pour des gènes qui donnent des protéines. Donc là, tout est codant, donc on trouve les gènes assez facilement. Et après, effectivement, il faut trouver une fonction à ces gènes. Donc quand ils ressemblent à rien de connu, à aucun gène qui a été vu auparavant, on ne peut pas lui attribuer de fonction. Donc un des items de Virus X, un travail de Virus X, c'est essayer d'aller faire de la recherche d'homologie lointaine. Donc un gène, on sait que les virus ont a priori une origine assez ancestrale. Donc les gènes, même si c'est des gènes qui vont donner une protéine avec la même structure, ils vont avoir une séquence qui vont quand même avoir accumulé beaucoup de mutations. Et du coup, la similarité va être assez faible. C'est comme si on comparait des mots dans différentes langues. Si vous prenez Aprikose en allemand, vous allez assez facilement comprendre que si vous êtes français, que ça ressemble à abricot, parce que il y a peu de mutations qui sont apparues. Et puis si vous commencez à aller chercher dans des langues plus lointaines, ça va être plus compliqué. Et alors, du coup, normalement aussi, à partir du gène, on peut assez facilement le transcrire en protéines. Le problème, c'est que ces protéines, il faut comprendre à quoi elles servent, et puis il faut aussi comprendre comment elles se replient dans l'espace, puisque vous écoutez régulièrement l'émission, vous savez qu'une protéine a une structure tridimensionnelle, et que sans cette structure tridimensionnelle, on va avoir du mal à comprendre son utilité. Du coup, il y a aussi des méthodes de bioinformatique qui font que ces gènes-là, vous pouvez les réintroduire, les faire se réexprimer dans d'autres types d'organismes pour comprendre un peu justement comment ils fonctionnent et quelles peuvent être leur utilité, François Hainaut ? Ouais, donc alors c'est pas vraiment bioinformatique, c'est qu'effectivement on peut aller choisir des gènes et puis les exprimer dans des vecteurs de clonage, réussir à exprimer, donc à avoir cette protéine-là en quantité assez importante, et après faire des, par exemple, à la mettre dans des cristaux et à la passer au rayon X pour essayer effectivement d'obtenir sa structure, par exemple, et puis à faire des tests. Alors là, Marie-Agnès... Oui, ce qui est très rigolo, déjà rien que pour parler de la structure 3D des protéines, c'est qu'il arrive très souvent, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'efforts mis sur la cristallographie maintenant, il arrive très souvent qu'à partir du moment où on a la structure 3D, on comprend la fonction de la protéine. Elle avait... Au niveau de sa séquence primaire, très, très peu de signaux qui indiquaient quoi que ce soit. Mais une fois qu'on la voit dans l'espace, on comprend à quoi elle va servir. Donc déjà, ça, c'est génial. Et puis après, effectivement, il y a toutes les approches génétiques classiques qui consistent à replacer la protéine dans une bactérie, si on parle des protéines virales bactériennes, et essayer de comprendre à elle toute seule qu'est-ce qu'elle est capable de faire dans la bactérie, qu'est-ce qu'elle apporte comme fonction à la bactérie. Et du coup, pour boucler un peu et puis continuer à parler justement de l'étude des virus et des virus dans leur environnement, François Hainaut, vous disiez l'intérêt c'est de trouver des enzymes qui peuvent fonctionner à haute température. Qu'est-ce qu'on cherche en fait ? Quel type d'enzyme on cherche ? Quel type d'application on cherche ? Enfin, quel est l'objectif de ce projet Virus X ? Pourquoi ces enzymes à des températures extrêmes particulièrement ? Ça va être des molécules qui vont nous permettre de travailler dans différentes conditions, à différents pH, différentes températures, et qui vont permettre de mieux travailler. Alors mieux travailler, ça veut dire par exemple des polymérases qui vont nous permettre de répliquer l'ADN, donc de faire des PCR. Donc chain reaction. Des polymérases, c'est des réactions en chaîne de polymérases. Voilà, donc d'amplifier de l'ADN, par exemple, pour faire après des métagénomes. Donc on a déjà la plupart de ces outils, il y en a sans doute une grande quantité d'autres à trouver, mais même pour ces outils qui existent, c'est intéressant de trouver des molécules qui fonctionnent mieux, ou qui fonctionne mieux dans d'autres conditions. Dans des conditions plus extrêmes. Parce que pour résumer, je parle sous votre contrôle une fois de plus, Marie-Agnès Petit, ce qu'on cherche, est-ce que peuvent nous apprendre ces virus dans ces contextes particuliers, c'est finalement de trouver des enzymes qui vont permettre de faire des chaînes de protéines particulières, ou au contraire, peut-être éventuellement de faire un peu d'édition de lise de certaines chaînes de... Oui, pourquoi pas. Déjà, rien que si on arrive à répliquer l'ADN sans faire aucune erreur, par exemple, c'est très important. Dans tous les projets de séquençage, on se pose toujours la question, quel est mon taux d'erreur ? Donc une bonne polymérase bien fidèle, c'est déjà un gros gain Pareil pour la transcription, on peut vouloir des enzymes de transcription bien meilleures. Et puis après, effectivement, pourquoi pas parler d'editing des protéines, etc. Je pense que la capacité des virus à faire beaucoup de choses avec le code génétique est encore sous-étudiée et il y a beaucoup à chercher dans cette direction. Global controls will have to be imposed and a world governing body will be created to enforce them. Crises precipitate change. Secretly plotting your demise. I want to devise a virus to bring dire straits to your environment. Crush your corporations with a mild touch. Trash the whole computer system and revert you to papyrus. I want to make a super virus strong enough to cause blackouts in every single metropolis. Cause they don't want to unify us, so fuck it. Total anarchy and can't nobody stop us. You see, late in the evening, fucked up on my computer and my mind starts roaming. I create like a heathen. The first cycles of this virus I could send through a modem. Infiltration hit your station. No Microsoft or enhanced DOS will impede. Society thinks they're safe when bingo hard drive crashes from the rending. A lot of hackers tried viruses before. Vaporize your text like so much whiteout. I want it where file replication is a chore. Lights out, shut down entire White House. I don't want just a bug that could be corrected. I'm erecting immaculate design. Break the nation down section by section. Even to the greatest minds, it's impossible to find. I wanna devise a virus to bring dire straits to your environment. Crush your corporations with a mild touch. Trash your whole computer system and revert you to papyrus. I wanna devise a virus to bring dire straits to your environment. Crush your corporations with a mild touch. Trash your whole computer system and revert you to papyrus. I have already planned. The plan is programmed into every one of my 1,000 robots. We will not hesitate. We will destroy the Homo sapiens. Wanna develop a super virus? Better by far than that old Y2K. This is 3030, the time of global unification. Break right through the terminals. Virus du groupe Deltron 3030 sur France Culture. Eh bien oui, on écoute du hip-hop sur France Culture à 16h32, un 8 mai pluvieux, c'est comme ça. Parce que nous parlons de virus tout au long de cette heure dans la méthode scientifique avec François Hainaut, qui est maître de conférences au laboratoire et chercheur au laboratoire micro-organismes, génome et environnement à l'université de Clermont-Auvergne avec Marie-Agnès Petit, qui est directrice de recherche INRA dans l'unité Michaelis et spécialiste des bactériophages. Mais tout de suite, comme tous les mercredis, 8 mai ou pas 8 mai, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Voilà, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Marie Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes en thèse à l'Institut Pasteur dans le programme Inception, école doctorale frontières de l'innovation et recherche en éducation à l'Université Paris Diderot. Le thème de vos travaux de recherche, c'est trajectoires évolutives des virus, convergence, adaptation et dynamique. Soyez la bienvenue à la recherche montre en main, merci d'être avec nous, on vous écoute. Bonjour, merci de m'avoir invitée, je suis vraiment ravie de me prêter à cet exercice de la recherche montre en main. Je suis en première année de thèse à l'Institut Pasteur, comme vous l'avez dit, et mon projet consiste à mettre au point des méthodes de bioinformatique pour détecter des formes d'adaptation chez les virus, et notamment, dans un premier temps, des mutations de convergence. Alors, les mutations de convergence, ce sont des mutations qui apparaissent plusieurs fois au cours de l'évolution, de manière indépendante. Cela veut dire qu'elles ne sont pas héritées d'un ancêtre commun, mais sont le fruit d'une même forme d'adaptation, en raison de contraintes environnementales fortes. Un exemple de convergence bien connu, c'est l'apparition du vol, qui a eu lieu chez les oiseaux, les insectes ou les chauves-souris. Dans le cas des virus, les mutations de convergence sont particulièrement intéressantes à étudier car elles peuvent leur permettre de résister aux défenses immunitaires de l'hôte infecté, voire à des possibles traitements administrés. En effet, les virus sont des parasites, ils ont besoin d'infecter un autre pour se répliquer et cela entraîne des mécanismes de défense, la défense immunitaire, auxquels le virus peut s'adapter. Seules certaines mutations vont conférer un avantage pour la survie du virus et donc peuvent être plus souvent sélectionnées que d'autres. Cela sera encore plus exacerbé si le virus est dans un environnement très contraignant pour sa survie. Détecter ces mutations, ça pourrait permettre de mieux comprendre à quel point les contraintes environnementales façonnent l'évolution des virus, voire même de prédire comment un virus s'adapte à une contrainte donnée. Dans la première partie de ma thèse, je cherche à mettre au point une méthode pour détecter ces mutations. Et pour cela, je fais ce qu'on appelle de la bioinformatique, c'est-à-dire que j'utilise des outils informatiques pour faire de la biologie. Mes outils, ce sont des programmes, des algorithmes et bien sûr des ordinateurs. Concrètement, quand on met au point une méthode, on ne peut pas savoir à l'avance si elle va fonctionner ou non. Il faut faire des tests, des améliorations, à nouveau des tests, des améliorations. Pour tester que ma méthode fonctionne correctement et qu'elle détecte bien des mutations de convergence, je vais l'appliquer sur des données pour lesquelles je connais à l'avance les dites mutations de convergence. J'ai pour ça à ma disposition des données biologiques et aussi des simulations. Les données biologiques, ce sont des séquences virales qui ont des mutations de résistance à un traitement. C'est le même principe que les bactéries résistantes aux antibiotiques, sauf que là, ce sont des virus résistants aux antiviraux et notamment, pour moi, dans des virus du sida. Je vais donc appliquer ma méthode à la recherche de mutations de résistance chez le virus du sida, puis je vais comparer ce que je détecte avec la liste connue des mutations de résistance. Je ne m'attends pas seulement à trouver des mutations de résistance avec ma méthode, je vais sans doute détecter d'autres mutations, convergentes ou non. Donc pour être sûr et contrôler exactement ce que je détecte, je vais aussi appliquer ma méthode sur des simulations où pour le coup je sais exactement où se trouvent toutes les mutations de convergence. Si ma méthode fonctionne correctement, je pourrai poursuivre ma thèse avec l'étude d'autres formes d'adaptation. Merci. Mais merci beaucoup Marie Morel, merci de votre présentation. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission, peut-être une réaction à la présentation de ces travaux, Marie-Agnès Petit. Oui, ce qui m'intéresse c'est vos méthodes, elles vont certainement donc être parfaitement adaptées à l'étude des virus qui infectent l'homme, ou les cellules immunitaires chez l'homme. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir aussi regarder ce même type de mutation chez d'autres organismes, des virus qui infecteraient par exemple, je ne sais pas moi, le porc ou le lapin, ou pourquoi pas les bactéries? Oui, c'est une question très intéressante. C'est vrai que pour l'instant, moi, je suis plus dans la partie développement de la méthode. Les applications, c'est pas forcément moi qui les ferais. Mais à partir du moment où on a des contraintes qui sont identifiées, c'est vrai que ce serait possible, pourquoi pas, d'appliquer cette méthode à d'autres organismes. Ben, je reviens vous voir dans 3 ans, à la fin de notre... Et voilà, comme ça, des grandes des associations de chercheurs qui se créent au micro de la méthode scientifique, on aime beaucoup. François, une réaction à ces travaux, peut-être plus sur la partie bioinformatique, puisque c'est aussi ce sur quoi vous travaillez. Ouais. Donc c'est sur des protéines, des gènes qui codent pour des protéines, et dont on connaît leur fonction, j'imagine. Oui, pour le coup, on connaît leur fonction. Et c'est des mutations ponctuelles? Ce sont des mutations ponctuelles. D'accord. Là, je cherche vraiment à détecter pour l'instant des choses qui sont connues pour vérifier que ça marche bien. Et après, ce sera à d'autres mutations ponctuelles pour des applications futures. Est-ce qu'on peut imaginer aller jusqu'à voir des nouveaux gènes dont la fonction est convergente, des gènes totalement différents mais qui ont une même fonction? Sans doute, c'est vrai qu'il y a des méthodes qui existent déjà et qui cherchent justement des gènes convergents. Moi, l'intérêt de la méthode, ce serait plus à l'échelle de la mutation, justement. François Hénaud, ce qui est intéressant, c'est que donc là, on parle de bioinformatique, on parlait de métagénomique. Aujourd'hui, notre connaissance justement de la diversité virale, elle est extrêmement liée au progrès de l'informatique, à la finesse des techniques d'analyse et à la puissance de calcul. Je dirais qu'elle est surtout liée au progrès des séquenceurs, plutôt. Donc aux machines qui permettent d'avoir effectivement les séquences. Après, c'est vrai que bon, c'est sûr que quand on a des milliards de paires de bases, il vaut mieux avoir un ordinateur avec un petit processeur qui tourne correctement, ordinateur qui fonctionne. Mais ce qu'a créé la révolution de ça, c'est ce qui nous permet de faire ça, c'est quand même les séquenceurs qui existent depuis le début des années 2000. À peu près, ouais, c'est ça. Ouais. Quelque chose comme ça. Alors justement, puisqu'on parle de technique, en dehors des écosystèmes extrêmes étudiés dans le programme VirusX, la métagénomique permet d'en apprendre beaucoup plus sur le virome. Alors c'est un élogisme, je ne sais pas si c'est un élogisme qui est tout à fait autorisé, Marie-Nice Petit. Bien sûr, si. Oui, bien sûr. Le virome humain, puisqu'on parle, on a beaucoup parlé ici du microbiote. Le microbiote, vous savez, c'est tous ces micro-organismes, ces bactéries essentiellement qui vivent avec les êtres vivants, hein, pas seulement les animaux, aussi sur les racines des végétaux. Bref, il y a des microbiotes partout. Et nous en avons nous-mêmes un certain nombre dans la bouche, dans les muqueuses, sur la peau, dans les intestins, bien sûr, à tel point qu'on parle aujourd'hui d'holobionte pour parler de cette association qui est celle du vivant et des micro-organismes, hein, puisque je vous rappelle que nous avons plus de bactéries et de microbes en nous que nous n'avons de cellules. Et donc, il y a aussi, et on en parle moins dans le domaine de ce microbiote, les virus qui sont tout aussi présents, si ce n'est plus présents encore que ces micro-organismes. Bonjour Mathieu Lefrançois. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes rendu à l'Institut Pasteur où a été mise au point une nouvelle approche pour étudier les interactions entre les virus et les bactéries. Alors on en a parlé, séquencer les fragments d'ADN qui correspondent à des virus ou à des bactéries dans un mélange d'espèces, comme par exemple celui d'un microbiote intestinal, c'est une opération complexe. Mais il faut aussi pouvoir identifier quelles bactéries vont être la cible de ces virus. Et je suis allé rencontrer Romain Cossul, il est directeur de recherche CNRS et responsable de l'équipe régulation spatiale des génomes à l'Institut Pasteur. Et il m'explique en fait comment il est possible d'exploiter les contacts physiques en trois dimensions entre les molécules d'ADN pour établir une cartographie des interactions entre les virus et leurs hôtes qui sont présents au sein du mélange. Mon équipe travaille principalement sur l'organisation fonctionnelle tridimensionnelle des génomes, c'est-à-dire de voir quelle est l'influence du repliement de la molécule d'ADN sur des processus métaboliques tels que la transcription, donc l'expression des gènes, leur réparation, la réparation de cassures double brin de l'ADN ou encore la réplication de la molécule d'ADN. Nous avons réalisé que nous pouvions sans doute tirer parti en fait de cette organisation tridimensionnelle pour résoudre des problèmes existants dans des domaines tels que la génomique et également métagénomique, c'est-à-dire l'analyse des populations complexes microbiennes et des éléments génétiques en fait présents dans ces populations. Donc ces technologies en fait reposent principalement sur l'utilisation d'une méthode qu'on appelle la capture de conformation chromosomique ou 3C. Donc en fait nous ce que nous avons fait c'est que nous avons un peu détourné cette technique de son ambition première qui était de caractériser l'organisation 3D des génomes pour en étudier les fonctions, pour étudier, en fait, grâce à ça, l'organisation 1D de ces génomes. C'est-à-dire que deux fragments d'ADN proches l'un de l'autre le long du chromosome vont être fréquemment en contact, en collision physique, en fait, l'un avec l'autre, par rapport à deux segments d'ADN qui sont situés à une très grande distance le long de ce chromosome. Donc on a développé des programmes qui permettent de faire ça, sur des génomes de grande taille, métazoaires ou d'insectes, par exemple, ou également de bactéries. Et on a eu l'idée il y a 5-6 ans d'appliquer cette technique non pas sur une espèce dont le génome est parcellaire et inconnu, mais sur des populations où on a beaucoup de génomes présents. Donc en gros des populations microbiennes par exemple de type microbiote où on a plusieurs centaines d'espèces qui cohabitent dans un environnement physique. Et là, le principe est le même. En fait, l'idée était que les segments d'ADN présents dans chacune des bactéries présentes dans cet écosystème vont effectuer beaucoup de contacts l'un avec l'autre, mais peu de contacts avec les segments d'ADN présents dans d'autres génomes. Donc, l'ADN d'une bactérie va se voir beaucoup lui-même, mais verra peu ses voisins. Donc, la méthode que nous avons mise au point, qu'on a appelée META3C pour Metagenomic Chromosome Conformation Capture, Metagenomic Capture de Conformation de Chromosome, permet de quantifier les collisions entre segments d'ADN présents dans une population d'espèces. Donc nous avons d'abord testé cette approche sur des mélanges contrôlés de bactéries, et ça a marché très bien. En fait, on a pu montrer il y a quelques années qu'en mélangeant par exemple trois espèces bactériennes et en faisant uniquement une capture de cette organisation chromosomique, en fait, on pouvait récupérer les génomes complets de ces trois espèces en prétendant ne pas savoir ce qu'on avait mis initialement. Ce que nous sommes en train de regarder également, c'est comment se comportent les molécules d'ADN épisomales, c'est-à-dire qui ne sont pas intégrées au chromosome, mais qui sont présents dans la cellule, voire à l'extérieur des cellules, et qui peuvent éventuellement être transférés d'une cellule à une autre. Ces molécules épisomales peuvent correspondre à des virus, par exemple, ou encore à des plasmides. Et l'idée là étant d'inférer les hôtes potentiels, donc quelle bactérie va héberger quel type de virus ou quel plasmide. C'est-à-dire qu'en regardant en fait les collisions entre les morceaux de génome venant des bactéries et les morceaux de génome venant des phages, des virus, vous pouvez savoir quel virus va s'attaquer à quelle bactérie finalement, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. En fait, notre approche permet effectivement de mesurer directement, de manière quantitative et objective, les fréquences de contact entre un génome et un autre. Donc si on regarde des génomes virus, on regardera directement les fréquences de contact entre le génome du virus et le génome de la bactérie. Et donc on verra que ce virus est en train d'infecter cette bactérie. Sur ce graphique, ce que vous pouvez voir, ce sont des points. Alors chaque point, en fait, correspond à un segment d'ADN de différentes tailles, de quelques dizaines de paires de bases à quelques milliers de paires de bases. Et en fait, on a positionné ces points dans l'espace en fonction des fréquences de contact qu'on a pu mesurer entre eux. Donc ce qu'on peut voir, c'est se dessiner des amas de segments d'ADN, des amas de points. Donc là, vous avez par exemple un gros amas de points colorés en vert qui correspond au génome d'une bactérie. Et en fait, ce qu'on peut voir entre ces amas de points, rose et vert par exemple, ce sont des amas de points qui semblent être partagés, à la fois faire des contacts avec la masse d'ADN colorée en verte et des contacts avec la masse d'ADN colorée en rose. Cet ensemble de points, en fait, correspond à un génome de phage. Et donc, il est capable de contaminer, en fait, les deux types de bactéries différentes. Voilà, et que donc ce phage, en fait, infecte effectivement deux bactéries. Cette étude-là, donc, elle a été réalisée sur un microbiote de souris. Est-ce qu'il serait possible d'étendre cette technique à du microbiote humain? On peut caractériser dans des métagénomes humains de type intestinaux des phages, par exemple comme le crasphage, qui est un phage dont l'hôte bactérien demeurait relativement élusif en fait jusqu'à récemment. Et là, en utilisant cette approche, on peut montrer en fait quels sont spécifiquement les hôtes bactériens de ce crasphage. Est-ce qu'il y a des limitations aujourd'hui, par exemple peut-être le nombre de génomes différents qu'on est capable d'analyser? Alors nos analyses suggèrent qu'on peut caractériser des génomes présents de l'ordre de 0,05% d'une population. Donc on peut descendre quand même à des compositions relativement fines. La limitation principale actuellement semble être plutôt le séquençage. Donc si on a des espèces qui sont très peu présentes, il faudra séquencer beaucoup plus pour pouvoir les trouver et trouver éventuellement les phages ou les plasmides associés à ces espèces. Quelles sont les perspectives dans le domaine de la recherche ou dans le domaine de l'application médicale sur lesquelles vous travaillez à l'heure actuelle à partir de cette nouvelle méthode métagénomique? Martial Marmouti, un chercheur du CNRS dans mon équipe, qui a développé la plupart de ces outils au cours des 5 dernières années, travaille actuellement sur une cohorte d'enfants de crèche et cherche à caractériser, en utilisant cette approche, le développement du microbiote chez ces enfants et de voir si on peut éventuellement corréler le développement du microbiote intestinal avec des maladies. Et ensuite, à plus long terme, nous avons également des collaborations au niveau européen avec des chercheurs qui travaillent en agronomie, dans des élevages ou dans des hôpitaux. Donc ce sont des choses en cours qui devraient donner des résultats dans les prochaines années. Voilà le reportage de Mathieu Lefrançois de l'Institut Pasteur. Je précise que effectivement ce schéma dont vous venez d'entendre parler, qui permet de voir quel type de virus peut liser ou peut s'attaquer à quel type de bactéries, on vient de le poster en illustration justement du lien vers le reportage du jour sur notre fil Twitter à la méthode FC. Ça sert de l'avoir sous les yeux pour bien comprendre effectivement l'ampleur de ce travail de métagénomique en trois dimensions. Une réaction peut-être des uns des autres. Vous aviez l'air tous assez intéressés, captivés par cette travaux de recherche, y compris vous, Marie Morel, ça vous a intéressé? Bah oui, c'est vrai, parce qu'on n'a pas forcément conscience. Enfin, je n'ai pas forcément conscience de tout ce qui peut être fait. Et c'est vrai que d'entendre les travaux de tout le monde, ça ouvre un petit peu des perspectives. Et c'est passionnant. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier. Marie-Anise Petit, votre réaction à ce reportage? Oui, bah, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir introduit ce reportage dans l'émission, parce que une fois qu'on a parlé des virus, on n'a pas fini de faire le tour de la question. Loin s'en faut. Parce qu'il faut comprendre ces virus, qui ils attaquent dans l'environnement, ou chez qui ils viennent habiter. Comme je vous ai dit, ils peuvent soit tuer les bactéries, soit s'installer à l'intérieur. Et donc là, il y a une grande inconnue pour l'instant. Donc on analyse des viromes, comme vous dites, c'est-à-dire tous les virus d'un environnement. On est capable de dire ce qu'on trouve dedans. Mais après, ce qu'on aimerait savoir faire, c'est piloter l'écosystème avec ces virus éventuellement. C'est-à-dire dire, tiens, là je trouve qu'il y a un petit peu trop de clostridium, on va essayer de rééquilibrer les choses. De les réduire, voilà. Voilà, et donc pour faire ça, il faut avoir des virus qui attaquent les bonnes bactéries et pas les autres. Et donc il faut être capable de rapprocher le virus de telle ou telle espèce bactérienne qui sont capables d'infecter. Voilà. Mmh. Donc c'est vraiment là où on en est, et c'est effectivement une des méthodes, la méthode qu'a décrite Romain Cosul, là, qui va peut-être nous permettre d'avancer et de prédire l'hôte des virus. François Hénon, réaction aussi ? Oui, bah c'est vrai que quand on a un métagénome, quand on a des séquences, des génomes de virus, on ne connaît pas du tout leur hôte a priori. Alors il y a quand même des méthodes informatiques qui permettent, puisqu'ils ont des gènes qui partagent avec leur hôte, on peut les réussir à les rattacher à des espèces à éventuellement. Mais en dehors de ça, bon, un des travaux sur lesquels on s'est penché sur VirusX, on a développé un logiciel pour rattacher le génome d'un virus à son hôte potentiel en utilisant ce qu'on appelle les signatures génomiques, c'est-à-dire des sortes, pas des gènes similaires, pas des gènes partagés, plutôt des tics de langage, si vous voulez. Par exemple ? Bah, par exemple, je sais pas, bon, pour prendre une analogie, les mots, si vous prenez un dictionnaire d'italien, beaucoup de mots vont finir par se terminer par des « i ». Donc si on trouve un génome de virus, il va y avoir peut-être 20 gènes, mais les 20 mots qu'on trouve dans ce génome vont se terminer par des « i », et donc on va pouvoir dire, éventuellement, a priori... Il y a une correspondance. Il y a une correspondance. Donc ça se fait à travers l'utilisation des biais de codons. Mais bon, on va pas... on pourra rentrer dans une autre émission, mais là, on risque d'être un peu court en temps pour aborder cette partie-là. Non, j'aimerais revenir avec vous sur cette notion justement de virus dans son écosystème. C'est vraiment très intéressant, Marie-Agnès Petit, parce qu'on a parlé beaucoup dans cette émission du microbiote, de vraiment ce continent qu'on commence à découvrir, et dans son fonctionnement et dans sa complexité, on ajoute une pièce ou un nouvel élément qui est celui des virus, qui est peut-être encore moins bien connu que ce qu'on commence à décrypter de ces fonctionnements écosystémiques, et surtout du rôle de ces virus à l'intérieur de ces écosystèmes. Voilà. C'est-à-dire de dire, est-ce qu'ils sont là comment ? Pour stabiliser le système, pour le faire évoluer ? Parce qu'on sait que le virus et son hôte sont dans des liens de coévolution très forts. Hein. On appelle ça la course à la reine rouge, je crois. Voilà, donc, quel est le lien et quelle est l'importance de ces virus dans la stabilité de ces microbiotes ? Et du coup, évidemment, les perspectives thérapeutiques derrière, qui est de stabiliser, de rééquilibrer des microbiotes qui sont dysfonctionnels. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de tout ça ? Écoutez, là, on est vraiment... C'est le début. Là-dedans, voilà, qu'on est maintenant. C'est ça qu'on cherche à comprendre. On a plein d'hypothèses, on n'a pas encore beaucoup de certitudes. Une des hypothèses, c'est qu'effectivement, par exemple, on parle beaucoup de transplantation fécale comme une manière d'aider à rétablir un microbiote équilibré pour des patients très malades. Et qui ont des résultats cliniques très intéressants, très encourageants, mais qui sont aussi très spécialisés et très individualisés, ce qui est le double tranchant de ces techniques. Et du coup, on commence à se demander, mais peut-être que dans la transplantation fécale, il faut faire attention à la fraction virale, au virome du transplant. Et de fait, quand on regarde spécifiquement cette fraction virale d'une transplantation fécale, on constate qu'elle s'installe avec les bactéries et qu'elle dure aussi, et que peut-être cette fraction virale peut contribuer au succès ou à l'échec d'une transplantation fécale. Donc ça, c'est typiquement un exemple où c'est très important de se poser la question du virome, de la composition virale du transplant. Ça, c'est une affaire. Après, moi, je voudrais aussi, parce que quand même, toutes ces études scientifiques, elles nous apprennent aussi à toujours se remettre en cause, et il faut aussi envisager la possibilité que dans un microbiote humain, peut-être que la fraction virale qu'on a pensée au début très importante n'est pas si dominante que ça. Et c'est là que c'est très intéressant de voir les différences entre écosystèmes. Chez François Hénon, dans tous les écosystèmes aquatiques, les virus ont l'air parfaitement heureux. Et en fait, on a l'impression que plus le milieu est aqueux et liquide, plus les virus abondent. Mais peut-être que dans le tube digestif, l'histoire est différente. Peut-être que là, les virus sont sous-dominants par rapport aux bactéries. Et ou très intégrés initialement, peut-être à la naissance, quand on entendait dans le reportage justement la constitution du microbiote chez les nouveau-nés, qui est aussi là un début de terreau de recherche extrêmement Absolument. Prometteur. Oui, tout à fait. Il y a aussi cette question, c'est justement un des projets dans lequel notre équipe est impliquée, c'est de comprendre si les virus du microbiote de l'enfant peuvent avoir quelque chose à voir avec l'émergence de certaines maladies pour lesquelles on ne sait pas grand-chose, comme l'asthme, par exemple, parce qu'on a commencé à trouver que le microbiote avait dans sa composition quelque chose en relation avec l'émergence de l'asthme. Du coup, on cherche aussi si les virus du microbiote auraient quelque chose à nous dire sur peut-être un démarrage d'un déséquilibre qui peut conduire à une maladie asthmatique. Voilà. Là, on arrive dans des écosystèmes qui sont tout de même, ou des interactions qui sont très complexes, parce que quand on fait, on a oublié de le dire, mais de la métagénomie, quand on s'intéresse à ces environnements-là, on peut faire un prélèvement d'une goutte d'eau, faire un prélèvement 10 minutes après et trouver quelque chose de complètement différent. Ce sont des écosystèmes évolutifs. On voit le nombre de paramètres qui commencent à s'ajouter pour comprendre comment ils fonctionnent, et c'est très très très complexe, très compliqué, très touffu. Et on entre dans une jungle virale. Dans ce fameux holobionte qui est vraiment... Et c'est là où vraiment la méthode scientifique, le nom de votre émission, prend toute sa place, parce que c'est avec une bonne méthodologie, avec des approches rigoureuses et justement qui se soucient de savoir si ce qu'on observe est reproductible, etc. Que peu à peu, on va pouvoir, j'espère, faire émerger une image et comprendre effectivement quelle est la place et le rôle des virus dans les écosystèmes microbiens comme ceux qui nous concernent du plus près, comme... les microbiotes digestifs, par exemple. Et peut-être pour conclure aussi un tout dernier mot, parce que c'est aussi l'un de vos travaux, on en a moins parlé, mais alors c'est vrai qu'on avait aussi fait une émission entière là-dessus, sur les phages et sur tous les travaux qui sont d'autres travaux très émergents et très importants autour de la lutte contre l'antibiorésistance. Alors là on est sur des rapports à action-réaction beaucoup plus simples, hein, un phage, une bactérie. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles approches, les nouvelles techniques qui nous permettent d'avancer sur ces procédés-là? Et curieusement, les nouvelles techniques, en fait, elles sont très anciennes, puisque ce qui s'appelle la thérapie phagique, qui a été déjà développée, il faut quand même le rappeler, à l'époque de Félix Derel à l'Institut Pasteur, mais qui ensuite a pris son essor dans tous les pays de l'Est. En Russie, c'est très, très répandu. En Géorgie, en Russie, on peut acheter des bactériophages en pharmacie. Voilà. Donc là, il y a quelque chose, effectivement, qui reprend beaucoup d'intérêt dans les pays occidentaux qui avaient complètement laissé tomber les phages et qui maintenant constatent qu'avec les bactéries résistantes aux antibiotiques, ça pourrait être une alternative très intéressante. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de ce projet Virus X et des virus en règle générale. Merci François Hainaut, merci Marie-Agnès Petit, merci Marie Morel. Je prends un peu de temps pour vous rappeler qu'aujourd'hui, eh bien, comme tous les mercredis, c'est le jour des idées claires, le programme hebdomadaire de lutte contre la désinformation et les idées reçues que je pilote en partenariat avec France Info, et puis que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info, sur Facebook et Twitter pour ne pas les nommer. Et aujourd'hui, eh bien, alors qu'on parle beaucoup de biodiversité et d'effondrement, nous avons posé une question qui est de savoir s'il est encore temps de lutter contre le réchauffement climatique. Vous pouvez retrouver le podcast sur votre application de podcast favorite ou la vidéo sur les pages de France Culture ou de France Info sur les réseaux sociaux susmentionnés. Puis un autre mot pour vous dire également que samedi et dimanche, s'il fait toujours aussi moche, eh bien, vous avez de la chance parce que vous pourrez venir passer le week-end au Centre Pompidou avec France Culture et le Centre Beaubourg pour le week-end et le festival Imagine, un festival autour de la culture et des idées, des marathons de radio, des masterclass, des performances le samedi et le dimanche. Pour ma part, j'aurai la chance de vous recevoir et d'organiser un marathon radiophonique de 2 heures en compagnie de ma camarade Mathilde Serrel dimanche en fin d'après-midi de 16h à 18h autour de la notion de fin de l'histoire, d'après l'histoire, de grande histoire, d'apocalypse. Bref, on parlera de tout ça. Ce sera passionnant, n'hésitez pas à venir, l'entrée est évidemment gratuite. On vous met le lien et tous les renseignements utiles sur notre fil Twitter et vous pouvez les retrouver également sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Éléonore Pérez, Baptiste Léger, Mathieu Lefrançois, Céline Lozen, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation, Louis Bardinet à la technique. Demain, eh bien, ce sera un vendredi, tour de table, actualité des sciences et de la recherche à 16h jusqu'à preuve du contraire.